Bonjour, voici l'éphéméride pour ce 23 décembre. Aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux Armand et Gwenaël. Bon anniversaire à vous si vous êtes né un 23 décembre. C'est l'anniversaire de Jean-Luc Lahaye. Il est né en 1952. Bon anniversaire à Eddie Vedder du groupe Pearl Jam. Il est né en 1964. Et bon anniversaire à Carla Bruni. Elle est née en 1967. Voici le numéro 1 du jour. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. Nous sommes en 1984, après 5 semaines passées numéro 2 du top 50 à l'époque, le 23 décembre 1984, Stevie Wonder est enfin numéro 1 des ventes en France avec son single I just called to say I love you. On termine avec un événement, le 23 décembre 1954, sorti aux États-Unis du film des studios Walt Disney, 20 milieux sous les mers, avec Kirk Douglas. Bonne journée et à demain.